وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on était donc dans la toujours dans l'explication dans le cadre de l'explication du livre de l'imam Ahmed rahimahullah Usul Sunnah, expliqué par le noble cheikh Al-Allama Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé, après avoir commencé le chapitre sur le fait de s'écarter des innovations religieuses et d'être sur ses gardes quant aux innovations religieuses, ijtinabul bid'a wal hadar minha, on est arrivé dans l'édition que j'ai ici, qui est tirée du recueil de Fatawa de Cheikh Rabi', volume 2, et je suis à la page 367, au haut de la page. وكل بدعة فهي ضلالة. Donc on continue le matin de l'imam Ahmed quand il dit وكل بدعة فهي ضلالة. Cheikh Rabi explique cela en disant أخذها من الحديث إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل بدعة صغرت أو كبرت هي ضلالة لا شك، ومن قال غير هذا فقد خالف النص الواضح الجلي، خالف هذه الكلية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc comme je le disais, toujours dans le cadre de l'explication de Usul Sunnah, les fondements de la Sunnah de l'imam Ahmed rahimahullah, expliqué par Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala, on est arrivé au point où l'imam Ahmed dit rahimahullah, imam Ahl Sunnah, il dit et toute innovation religieuse, et j'avais expliqué pourquoi on a dit religieuse, hein, c'est pour faire sortir les innovations qui ne sont pas religieuses de la définition. Vous avez rapporté la définition de Shatibi rahimahullah dans l'Itisam. Hein? C'est quoi? C'est tariqatun mukhtara'atun fi din, dans la religion, innovation religieuse. C'est pour ça que c'est important de traduire le mot bid'a par innovation religieuse ou innovation dans la religion. Donc, et toute innovation religieuse est un égarement. Et l'imam Ahmed, là, c'est-à-dire cette parole, prise du hadith, dont la traduction du sens est « prenez garde aux choses inventées, car toute chose innovée dans la religion est une innovation religieuse, une bid'a, le pluriel bid'a. Et toute innovation religieuse est un égarement. » Cheikh il continue en disant « Toute innovation religieuse, qu'elle soit petite ou grande, est un égarement sans aucun doute. Et celui qui dit autre chose que cela aura contredit le texte clair et évident. » Et vous avez déjà sûrement entendu dans votre vie des gens qui disent le contraire. Hein? Il va le voir, Cheikh Rabi va faire référence à une parole qui est fausse et qu'on entend souvent. Et non, il y a des bid'a hasana, hein, il y a des bid'a sayyi'a, il y a des bonnes bid'a et des mauvaises bid'a. On va voir que ce taqsim-là, il est batil. Et celui qui dit, comme Cheikh Rabi a dit, autre chose que cela aura contredit le texte clair et évident. Donc c'est Cheikh Rabi qui continue ici. Il dit, et celui qui dit autre chose que cela aura contredit le texte clair et évident. Quel texte? Eh bien celui qu'on vient de citer, le hadith. Il aura contredit cette généralité que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a énoncée. Kullu, toute, hein, kullu bid'atin fahiya dalala. Wa kullu bid'atin dalala, comme dans le hadith. Il aura contredit cette généralité que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a énoncée et qu'il la disait dans la majorité ou tous ses sermons. Ceci étant dit, hein, amma ba'd, comme j'ai fait au début de ce cours, la meilleure des paroles est certes la parole d'Allah, et la meilleure des guidances est la guidance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Évidemment, ici c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Et les pires des choses sont celles qui sont innovées dans la religion. Et toute chose innovée dans la religion est une innovation religieuse, une bid'a. Et toute innovation religieuse est un égarement. Vous voyez bien le hadith, hein, même dans sa traduction en française, en langue française, il est très clair. Toute innovation est un égarement. qu'on ne vient pas vous dire, non, il y en a des bonnes et des mauvaises. Hein? Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'étais tombé une fois sur une traduction de l'Arba'in Nawawiya, et j'avais regardé le charh de ce hadith-là, enfin en tout cas la traduction, pardon, et j'ai vu qu'en note de bas de page, le traducteur, il avait dit, oui, mais il y a des bonnes bid'a et il y a des mauvaises bid'a. Hein? Il a fait un taqsim qui est batil. Donc il faut faire attention. Ça, c'est pas la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole du traducteur qui a fait note de bas de page, qui est contraire à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous rappelle de faire attention de qui on prend notre religion, même dans le cadre des traductions. Et donc, on disait quoi ici? On disait que toute innovation religieuse est un égarement. Ce hadith, il est rapporté par un musulman. Hein? Livre de la prière du vendredi, chapitre de l'allègement de la prière et de la khutbah, le serment. Hein? Cheikh Rabi, il a continué, je n'ai pas lu en arabe, on va le lire quand même pour les frères arabophones. Il dit « وَكَانَ يَخْتُبُ بِهَا » في جل خطبه أو كلها. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى وخير الهدي dans une riwaya, parce qu'ici il a rapporté le hadi, et il faut savoir qu'il y a deux riwayat, il y a khair al-huda ou bien khair al-hadi. En tout cas, c'est les deux que moi je connais. Khair al-huda, et ici il dit quoi? Khair al-hadi, hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. En note de bas de page, vous voyez, muslim, c'est-à-dire rapporté par muslim, kitab al-jumu'ah, c'est-à-dire dans l'authentique de muslim, livre de la prière du vendredi, Bab Tarfif al-Salah wal-Khutbah. C'est le chapitre de l'allègement, si vous voulez, de la prière et de la khutbah qui est le sermon. Et c'est le hadith numéro 867. Et ceci est dans l'authentique, Cheikh Rabi a dit, continuant en disant, Wa hadafi sahih muslim min hadith Jabirin. Hadi khutbah al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alati kana idha khataba biha ishtadda ghadabuh. وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم عليه الصلاة والسلام. Donc Cheikh Rabi hafidhahu Allah, il continue en disant, ceci est dans l'authentique de muslim d'après le hadith de Jabir. Ceci est le serment du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il faisait ce serment, eh bien sa colère se faisait forte et sa voix s'élevait. وعلى صوته, et son visage rougissait, comme s'il avertissait d'une armée, ou une armée. Il disait, « Sabbahakum wa massakum ». Alors, « Sabbahakum », pour traduire ça, « ou massakum », je suis retourné à l'explication de Cheikh al-Ethiopi, de Sahih Muslim, donc je vous donne la référence, Cheikh Mohamed ibn Adam al-Ethiopi, hafidahullah, un muhadith contemporain qui est toujours vivant à la Mecque, et qui enseigne toujours à la Mecque, et que des ulama comme Cheikh Mokbil ont recommandé, ont dit beaucoup de bien à propos d'eux, ou de lui en tout cas, il dit dans son explication de l'authentique de muslim, qui s'appelle « Al-Bahru al-Muhit al-Fajjaj fi sharhi sahih al-Imam muslim ibn al-Hajjaj » volume 17, pages 258 et 259. Bien sûr, le mot « Sabbahakum », qu'est-ce qu'il dit Cheikh l'Éthiopie, أي نزل بكم العدو صباحا والمراد أنه سينزل وعبر بصيغة الماضي لتحققه. Alors qu'est-ce que ça veut dire صباحكم ومساكم? En tout cas ici pour la partie صباحكم dans le hadith, c'est-à-dire l'ennemi est arrivé chez vous ce matin. Et le sens de cela est qu'il va arriver. Ça c'est un usloub arabi qui est connu. C'est que des fois on fait quoi? On utilise le passé pour exprimer la réalisation de quelque chose, même s'il va arriver. Hein, même s'il n'est pas encore arrivé. Donc, Cheikh, il a dit quoi? Il a utilisé le passé pour exprimer la réalisation de cela. Massakum, hein, vous connaissez un peu ce genre de mot, le mot en tout cas, l'origine de ces mots-là, c'est de sabah et massa, le matin et le soir. Sabahakum wa massakum. C'est comme sabahakum, il dit massakum. Et ce qu'il voulut, c'est avertir de l'attaque de l'armée le matin et le soir. Fin de citation de Cheikh al-Ethiopie. Hafidahullah. Cheikh Rabi, il continue en disant, لخطورة البدع وشدتها وخطرها على الأمة وهي ضلالة ومن يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة هذه مخالف مصادم لهذه الكلية الصادرة عمن لا ينطق عن الهوى مع الأسف الشديد ومنهم من يقسم البدع إلى واجبات ومستحبات ومكروهات ومحرمات يعني الأحكام الخمسة وهذا غلط. Et le Cheikh, il va rapporter quelque chose qui est dit. Et qu'il faut faire attention, les gens d'innovation, ils vont vous citer ça. il va vous citer quelqu'un parmi les gens de science. Il va vous citer son taqsim. De la bid'a en l'ahkam al-khamsa, comme on va le voir. Eh bien, Cheikh Rabi', d'une manière comme les ulama font, vis-à-vis de cette classification qui est fausse, eh bien, ils répondent avec la classification elle-même, qu'on va le comprendre dans un instant, inshallah. Et c'est important de connaître cette réponse pour, si on vous dit cette shubuha, que vous sachiez répondre. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Rabi', hafidahullah ta'ala, il dit, il disait donc cela, alayhi salatu wassalam, en raison du danger des innovations religieuses, et de leur gravité et du danger qu'elles comportent pour la communauté. Et elles sont un égarement. Celui qui dit maintenant qu'il y a une bonne innovation religieuse et une mauvaise, bid'a hasana ou bid'a sayyi'a, eh bien, c'est une contradiction et une opposition à cette parole générale qui émane de celui qui ne parle pas de ses passions, alayhi salatu wassalam. Pourquoi ? Kullu bid'atin dalala, toutes. Le kul min adawat l'umum, pour les frères qui ont fait un peu de usul et de la langue arabe, c'est que le kul, c'est parmi les manières d'exprimer la généralité en arabe. Kul, kullu bid'a. Donc si maintenant quelqu'un vient dire que non, il y a des bonnes et des mauvaises, qu'est-ce qu'il doit donner ? Une preuve. Or, il n'y en a pas. Donc il ne peut pas aller à l'encontre, à l'opposé de ce texte-là. Le texte, il est général, il reste sur sa généralité. Et Cheikh, il continue en disant, il y en a parmi ceux qui divisent les innovations en catégories, il y en a parmi eux, pardon, qui divisent les innovations en catégories. Et ça, je vous demande de faire attention. Est-ce que, dans le fiqh, on appelle Ahkam al-Khamsa, c'est-à-dire les cinq jugements, si vous voulez, qui sont connus chez les mashaykh, chez le tulab al-ilm, et c'est le wajib, mustahab, al-mubah, al-makruh et al-muharram. Donc l'obligatoire, le préférable, le mubah, c'est-à-dire ce qui est autorisé, et le détestable, makruh, et le muharram, ce qui est haram, illicite, interdit. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font certains? Ils disent que cette bid'a, eh bien quoi, elle tombe sous cette classification aussi des cinq ahkam. C'est-à-dire qu'en résumé, il y a des bid'a qui sont muajiba, des bid'a qui sont makruha, des bid'a qui sont muharrama. En résumé, elles ne sont pas toutes mauvaises. Mais Cheikh Rabi', il va répondre d'une belle manière ici. Il dit, hafidahullah, c'est-à-dire les cinq jugements. Et si c'est une erreur, فَإِنَّ الْوُجُوبُ لَا يُثْبَتُ إِلَّا بِدَلِيلِ. Écoutez bien ce raisonnement-là de Cheikh Rabi'. الْوُجُوبُ لَا يُثْبَتُ إِلَّا بِدَلِيلِ فَإِذَا ثَبَتَ مَا يُسَّمِّهِ بِدْعَةً بِالدَّلِيلِ الْمُوجِبِ فَهَذِهِ لَيْسَتْ بِدْعَةً وإذا ثبتت بالدليل الذي يفيد الاستحباب فليست ببدعة هذه السنة هذه السنة ليست ببدعة فالتقسيم هذا غلط يعني يحمل في طياته الخطأ الواضح. Donc Cheikh Rabi', comment il répond cette choubha là ou cette fausse classification qui va à l'encontre de la généralité du texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la parole du prophète alayhi salatu wa sallam? Il dit: et si c'est une erreur, car l'obligatoire, on a dit les cinq jugements, parmi les cinq jugements, c'est quoi? Il y a l'obligatoire, le wajib. Eh bien, le wujub, il n'est établi que par une preuve. C'est juste ou pas? Pour dire quelque chose est wajib, il faut quoi? Une preuve. On lui dit que cette bid'a, elle est wajib. Suivez bien. Donc, si ce que lui appelle une innovation religieuse est établi par une preuve, alors ce n'est pas une innovation religieuse, parce qu'il y a une preuve. Donc, son taqsim, il est batil. Donc cette application, elle est fausse. Et s'il est établi par une preuve qui indique le caractère préférable, l'istihbab, alors ce n'est pas une innovation religieuse, c'était quoi? C'est une sunna. Mais cette sunna n'est pas une bid'a. Vous voyez comment, c'est réglé ici, ou pas? Pour les mathématiciens, qu'est-ce qu'ils font en dessous? Ils mettent un petit carré. C'est QFD, ce qu'il fallait dire. Ce qu'il fallait démontrer, ça. Cette catégorisation est donc erronée, c'est-à-dire qu'elle comporte en son sein même l'erreur évidente. Vous suivez ou pas? C'est quelqu'un maintenant qui te dit, mais les bid'ahs ne sont pas toutes mauvaises. Il y a des bid'ahs mwajiba, des bid'ahs mustahabba, mubaha, makruha, muharrama, les ahkam al-khamsa. Tu lui dis, s'il y a une bid'ah qui est wajiba, le wajib, tu es d'accord avec moi, qu'il est établi que par une preuve. Il est obligé de dire oui. S'il est établi par une preuve, c'est donc pas une bid'a. Si tu dis qu'il y a une bid'a qui est mustahabba, l'istihbab, c'est établi par une preuve également. Or, si c'est établi par une preuve, c'est mustahab. Donc c'est une sunna, c'est plus une bid'a. Hein? Toujours pas clair? Hein, ok. ومن أصول السنة ومن أصول السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. هذا point très important aussi. يعني لا تكثر من الجدال، لا تخاصم إلا في الموقع الذي ترى فيه الفائدة لمن يطلبها. إنسان يريد يناقشك ليصل إلى الحق، تأكدت منه تفضل وجادلهم بالتي أحسن. سورة النحل. أما إنسان يريد أن يغالط وأن يصارع وأن يغلب، هذا لا تجادله. هذا من المراء المذموم ومن الخصومات في الدين الخصومات المذمومة. شيخ ربيع il rapporte un point très important ici où on voit certains parmi nos sœurs des fois tomber là-dedans et c'est une affaire dangereuse et on va voir pourquoi dans un instant inshallah. Parmi les fondements de la sunna, l'imam Ahmed il a dit rahimahullah, la traduction du sens, délaisser les disputes hein, et délaisser l'assise avec les gens des passions. C'est-à-dire, ne débat pas trop. Ne débat que dans une situation où tu vois un bienfait pour celui qui le demande. Qui ? Un individu qui veut débattre avec toi pour arriver à la vérité. Tu t'es assuré cela de lui. Alors vas-y, tafaddal. Il a utilisé comme preuve de cela, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنَ. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et discute avec eux de la meilleure façon, surat al-Nahl, verset 125. Tandis que celui qui cherche à induire en erreur et cherche le duel, hein, il y en a beaucoup, hein, et à gagner, celui-là ne débat pas avec lui. Ceci fait partie des querelles blâmées et des disputes dans la religion. Les disputes qui sont blâmées. Cheikh il dit فَلَا تُخَاسِمْ وَلَا تُمَارِ بَرَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَالْحَكِيمُ يَضَعُ الْأُمُورُ فِي مَوَاضِعِهَا فمن يحتاج إلى أن تزيل عنه الشبهة فبين له بالأخذ والرد بالحكمة والموعظة الحسنة لا على سبيل المغالبة لكن على سبيل بيان الحق وتوضيحه وإرشاد مثل هذا المسترشد. Donc Cheikh Rabi il continue ce point important en disant حفظه الله تعالى que Allah le récompense par le Firdaus l'A'la. Tandis que celui qui cherche à ne te querelle donc pas et ne te dispute pas, qu'Allah te bénisse ou qu'Allah vous bénisse. Le sage place les choses, celui qui a de la sagesse, place les choses à leur juste place. Celui qui est en besoin que tu lui dissipes une ambiguïté, alors clarifie-le lui. En écoutant et en répondant avec la sagesse et la bonne exhortation. Cheikh il dit, tu ne le fais pas de manière à dominer, mais de manière à clarifier la vérité. Et la mettre en évidence et à orienter cette personne qui cherche la guidance. Ce qu'on appelle en arabe al-mustarshid. Hein? Il cherche al-rashad, il cherche la guidance. Cheikh, il continue, il dit wal-julus. Yani, wa tark al-julus. C'est pour ça que moi j'ai traduit directement par le fait de délaisser l'assise avec les gens des passions. Ma'a ashab al-ahwa. Li'anna mujalasat ashab al-ahwa tu'addi ila al-zayri fil-ghalib. Et s'asseoir, c'est-à-dire délaisser le fait de s'asseoir avec les gens des passions. Car le fait de s'asseoir avec les gens des passions amène en général à la déviance. Beaucoup de gens se font berner, et puis ça on va traduire après, Inch'Allah. Mais ça me rappelle déjà une parole, un athar de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, le grand compagnon, al-Habr, turjam al-Qur'an, lorsqu'il a dit, « La tujalisu ashab al-ahwa, fa'inna mujalasatahum mumridatu lil-qulub. » Ne vous asseyez pas avec les gens des passions, car l'assise avec les gens des passions rend les cœurs malades. Et ça va exactement, hein, ou plutôt la parole de Cheikh Rabi ici, va exactement dans le sens du athar d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَغْتَرُّونَ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ مَعْرِفَةٍ وَبِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الذَّكَاءِ فَيُخَالِطُونَ أَهْلَ الْبِدَعِ وَيُعَاشِرُونَهُمْ فَيَكِلُهُمُ اللَّهُ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَيَقَعُونَ فِي الضَّلَالِ. هذا شيء ملموس. وأشار إلى هذا الإمام ابن بطة رحمه الله قال عرفنا أناسا كانوا يسبون ويلعنون أهل البدع فجالسوهم وعاشروهم فأصبحوا منهم. Ça c'est à mémoriser. Hein? Donc on continue la traduction. Beaucoup de gens se font berner par ce qu'ils possèdent comme connaissance et par ce qu'ils possèdent comme intelligence. Ils fréquentent donc les gens de l'innovation et se mélangent à eux. Allah les laisse à eux-mêmes et ils tombent donc dans l'égarement. Ceci est quelque chose de concret, de palpable. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui est inventé, on le voit et on en a vu. Hein, ce genre de frères qui ne savent pas s'empêcher de fréquenter les innovations et souvent ils se donnent l'excuse de quoi? Non, j'ai fait da'wa, j'ai fait nasiha, etc. En les fréquentant. Jusqu'au jour où tu te trouves avec eux. Il était salafi, ou en tout cas il était parmi les salafis. Peut-être qu'il ne connaissait pas vraiment la salafia ou il ne l'appliquait pas. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves un jour parmi les tekfiris. Wal'adhu billah. Et Cheikh, il dit, ceci a été indiqué par l'imam Ibn Battah, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit, c'est un athar à mémoriser, nous avons connu des gens qui insultaient et maudissaient les gens de l'innovation. Ils se sont alors assis avec eux et les ont fréquentés. Ils devinrent alors des leurs. Et Cheikh, il dit, ceci est quelque chose de concret à toute époque et à tout endroit. Il dit, Cheikh, hafidahullah, وهذا ملموس في كل زمان ومكان وقد اغتر بعض الناس بأنفسهم من كبار الناس فوقعوا في هوة البدع من مع الأسف الشديد ولا نريد أن نسمي هم معروفون عند طلاب العلم. Cheikh, il dit, il continue en disant, Hafidahullah, celle-ci est quelque chose de concret à toute époque et à tout endroit. Certains parmi les grandes personnalités se sont fait berner par leur propre personne et sont donc tombés dans l'abîme des innovations. Et nous ne souhaitons pas citer de noms, ils sont connus chez les étudiants en sciences islamiques. والجلوس مع اصحاب الاهواء يعني يحتج على ذلك او يحتج على ذلك ب واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فلا تقعد معهم. Et la semaine passée j'étais en voyage et j'ai visité des frères salafis et alhamdoulillah un petit jeune il me dit ouais, quel livre tu conseilles par rapport au fait de se comporter avec les gens de l'innovation? Ben, je dis, le premier livre, c'est le Coran, ya khifillah. Et je vais citer ce verset. Hein? Et je vais citer l'autre verset qu'on va voir dans un instant, qui est de Surat An-Nisa. Hein? فَلَا تَقْعُدُ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Et on va voir ce que ça veut dire dans un instant. Inch'Allah. فَلَا تَقْعُدُ مَعَهُمْ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ يَخُوضُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. فالبدع قائمة على الخوض في دين الله والخوض في كتاب الله ونسبة هذا الباطل لكتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب مفارقتهم والرسول صلى الله عليه وسلم كما قرأنا فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Et délaisser le fait de s'asseoir avec les gens des passions. On utilise pour preuve de cela le verset dans la traduction du sens est « Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion » Surat Al-An'am, verset 68. Et en bas de page, il y a aussi un autre verset qui est cité. Et aussi en note de bas de page, le verset dans la traduction du sens est « Lorsque vous entendez qu'on renie les versets, c'est-à-dire le Coran d'Allah, et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. » Vous voyez, hein? Comme quoi l'imam Ahmed, il se base sur le Coran, la Sunna pour dire ce qu'il dit. Hein? Il a quoi interdit de faire de s'asseoir avec les gens de l'innovation? Qu'est-ce qu'Allah dans le Coran dit? فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Ne t'assois donc pas, et c'est surat Nisa, pardon, verset 140. Ne t'assois donc pas avec eux, car ceux-là patauchent dans des discussions au sujet du livre d'Allah. Et parle au sujet d'Allah, sans science. Hein? Les innovations religieuses sont basées sur le fait de batauger dans des discussions à propos de la religion d'Allah et du livre d'Allah, et d'attribuer ce faux au livre d'Allah et à la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam. Il est donc obligatoire de se séparer d'eux. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu précédemment, a dit: donc, si vous voyez ceux qui suivent les versets à équivoque, ceux-là sont ceux cités par Allah. Prenez donc garde à eux. On avait vu que c'est un hadith Aïcha, radiallahu anha, si je me souviens bien. Il est rapporté par le Tahrij, on avait rapporté le Tahrij. Hein? Qui sait me rappeler c'est quoi le takhrij? Et c'était par rapport au verset de Surat Ali Imran. Je ne sais pas si vous vous souvenez. وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. C'est le hadith qui est dans le Bukhari, Kitab al-Sulh, et Muslim. Donc c'est un hadith qui est muttafaqun alayh. D'accord ? Si vous voulez retourner à la référence, c'est page 366 de notre livre ici. Continue, inshallah. يكون أناس في أمتي يأتونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. Ça c'est encore une preuve que Cheikh Rabi' il cite. C'est un hadith dans Sahih Muslim qu'on va le voir inshallah dans un instant. Et la traduction du sens du hadith c'est: il va y avoir des gens. Et c'est le prophète Sahasim qui parle. Il va y avoir des gens de ma communauté qui viendront à vous avec ce qui ni vous, ni vos aïeux connaissent. Prenez donc garde, et qu'ils prennent garde. Hadith rapporté par Muslim. Dans la traduction de son authentique, chapitre de l'interdiction de rapporter les narrations des narrateurs faibles et d'être prudent quant à les porter. Hadith numéro 6. Cheikh dit, « هذا أيضا من النصوص المحذرة من مجالسة أهل البدع. هناك أناس أهل جهل. ومخدوعون وأنت عندك علم وعندك حجة وبرهان تدعوهم إلى الحق وتبين لهم فلا بأس أما أن تجالسهم على سبيل المخاذنة والمصادقة والمحبة والعشرة وما شاكل ذلك فهذا خطأ يجر إلى الضلال يجب على العاقل أن يتجنبه. شيخ ربيع حفظ الله الكوتين dans ce fiqh par rapport à comment se comporter avec les gens d'innovation, il dit: ceci fait partie aussi des textes qui mettent en garde contre le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation. Il y a des gens qui sont ignorants et trompés. Et tu as de la science, tu as des preuves. Hein, tu as de la science, il a dit cher ici. Tu as des preuves, tu as des évidences. Tu les appelles à la vérité et tu leur expliques. À ce moment-là, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire quelqu'un, il ne sait pas, miskin, mais il est trompé par les gens. Et il veut savoir la vérité, comme il a dit tout à l'heure, cher Rabia. Hein? Ça, faut voir ça à la lumière de ce qu'il a dit tout à l'heure. Il veut la vérité, tu t'es assuré de ça de lui. Et toi, tu as l'ilm, tu as les preuves, tu as les évidences. Et tu sais l'expliquer, tu veux lui clarifier la vérité. Donc à ce moment-là, tu lui expliques. À ce moment-là, il dit, Cheikh, il n'y a aucun problème. Tandis que t'asseoir avec eux par fraternisation, en les traitant comme amis, par amour, par fréquentation, et tout ce qui ressemble à cela, alors ceci est une erreur qui amène vers l'égarement. Cheikh El dit, il est obligatoire à celui qui est doué de raison de s'écarter de cela. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre et mettre en application. Subhanallah, il y a toujours une catégorie de frères, et sûrement peut-être de sœurs aussi, ils ne savent pas s'empêcher de s'asseoir avec les gens. Ils ne savent pas s'empêcher de débattre avec les gens l'innovation. Ils ne savent pas s'empêcher de ça. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Eh bien, ils prennent beaucoup de choubouhat. Et parce que, alhamdoulilah, nous, on ne fréquente pas les gens d'innovation, on est loin des choubouhat. Et ces choubouhat-là, d'ailleurs, elles nous arrivent souvent via eux, via ce genre de personnes-là. « Ouais, mais akhi, il dit ça, ouais, mais akhi, il dit ça, ouais, mais akhi, il dit ça. » Eh, akhi, pourquoi tu les fréquentes? Pourquoi tu les fréquentes, à la base? Et tu veux nous rapporter tout ça, hein? Tu veux nous rapporter toutes ces ambiguïtés. Éloigne-toi d'eux, akhi, fillah. Cheikh, il continue en disant: وقد حذر من ذلك بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما وبعض أئمة التابعين كأيوب السختياني وابن سيرين رحمهم الله. Ça c'est important, nous qui nous disons salafi, de voir un peu comment les salafis étaient. Donc on a vu les preuves du Coran, sourate Nisa et sourate Al-An'am, on a vu les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, on a vu la parole de l'imam Ahmad, la parole de Cheikh Rabi', mais il y a des salafs aussi parmi les sahaba même, hein, qui avaient ce mawqif là avec Ahl Bida' Al-Ahwa. Et le cheikh dit كان الواحد منهم لا يستمع الى صاحب بدعه حتى ولو عرض عليه او عرض عليه ان يقرا عليه حديثا او ايه فيقول لا فيقول له لماذا قال ان قلبي ليس بيدي اخشى ان يقذف في قلبي فتنه او ان يقذف في قلبي فتنه فلا استطيع ان انتزعها فالسلامه لا يعدلها شيء فلا يعرضن الانسان نفسه الى الفتنه خاصه اذا كان يعلم من نفسه ضعفا. Donc Cheikh Rabi hafidhahullah il continue en disant certains compagnons radiyallahu anhum wa ardahum ont mis en garde contre cela, c'est-à-dire contre le fait de s'asseoir avec les gens d'innovation comme Ibn Abbas radiyallahu anhuma et certains imams parmi les tabi'un, c'est-à-dire ceux qui ont succédé aux compagnons comme Ayyub al-Sikhtiyani et Ibn Sirin. Qu'Allah leur fasse miracle. Ibn Sirin, vous connaissez sûrement déjà, il fait partie des kibar et tabi'in. Et c'est celui notamment qui a dit Inna hada al-ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Le grand imam Ibn Sirin, rahimahullah. Qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. Et l'un d'entre eux n'écoutait pas les gens d'innovation, même s'il lui proposait de lui lire un hadith ou un verset. Il lui propose, je vais te dire un hadith, il disait non. Un verset, là. Un hadith, subhanallah, la parole du prophète, alayhi salatu wasalam. Un verset, kalamullah. Là. Quelle est la raison? Eh bien, il lui disait alors non. L'autre lui répondait alors pourquoi? Il disait, mon cœur ne m'appartient pas. Il n'est pas entre mes mains. J'ai peur que tu y laisses une fitna dans mon cœur et que je ne puisse plus la retirer. Allahu Akbar. Alors qu'est-ce qu'on va dire de certaines personnes qui, c'est pas un verset, un hadith, c'est des heures de discussion qu'ils écoutent. Ou bien ils écoutent de n'importe qui sur internet, ou bien ils écoutent des gens de l'innovation, ils disent pas grave, on prend le khair et on délaisse le mal, etc. Subhanallah l'adim. Ayyub al-Sikhtiyani, l'imam. Mohamed ibn Sirin, l'imam. Cheikh, il termine en disant ce point-là, et ça résume bien la chose. Rien ne vaut la sécurité. As-salam, alayhi adil hashayi. Que les gens ne s'exposent donc pas à la fitna, surtout lorsqu'ils savent à propos d'eux-mêmes qu'ils ont une faiblesse. Et ça, c'est la parole d'un savant par les imams de la sunna et le porteur de l'étendard de la science du jarh wa ta'dil, hafidhahullah ta'ala. Manzilatu sunnati wa alaqatuha bil Qur'an. Donc là, on rentre dans un autre chapitre, si vous voulez. Et c'est le chapitre qui s'attache à étudier le degré de la sunna et son rapport avec le Coran. L'imam Ahmed, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit « وَالسُنَّةُ عِنْدَنَا آثَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالسُنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنِ وَيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنِ وَلَيْسَ فِي السُنَّةِ قِيَاسِ وَلَا تُدْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالِ وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَلَا الْأَهْوَاءِ إِنَّمَا هُوَ الْإِتِّبَاعُ وَتَرْكُ الْهَوَى. Donc l'imam Ahmed, rahimahullah, imam Ahli Sunna, et je vous ai dit qu'Inch'Allah, j'espère un jour qu'Allah me facilite, qu'Allah nous donne une longue vie sur son obéissance et que nous permette de faire ça, qu'on fasse un jour un cours sur la magnifique vie et biographie de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, imam Ahl-Sunnah. Et la Sunnah est chez nous les athars du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et la Sunnah explique le Coran et elle est les arguments, les preuves du Coran. Et il n'y a pas d'analogie dans la sunna. Et on ne lui donne pas d'exemple. Et elle n'est pas comprise au moyen de la raison, ni des passions. Ce n'est que le suivi et le délaissement des passions. Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve et le récompense par le féroce Allah, il nous dit « Ma hiya sunna ?» يقول والسنة عندنا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي السنة يقول أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام عندنا كتاب وعندنا سنة. Il dit l'imam Ahmed et la sunna est chez nous les athars du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Regardez la phrase ici. La sunna c'est chez nous, c'est-à-dire les gens de la sunna. Les athars du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que la sunna? Il dit les athars du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il définit maintenant, Cheikh Rabi', c'est quoi l'athar? Ses paroles et ses actions alayhi sallallahu alayhi wa sallam et ses approbations. At-taqrirat. Nous avons un Coran et nous avons une sunna. هي السنة آثار الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، هي التي فرض الله تبارك وتعالى علينا اتباعها وتمسك بها. Donc Cheikh Rabi, il continue son explication de ce point-là en disant, quelle est la sunna ? Eh bien, ce sont les athars, comme on l'a déjà dit, du messager d'Allah, c'est-à-dire ses paroles, retenez ça, et ses actions, et ses approbations. Et c'est ce que Allah nous a rendu obligatoire de suivre et de nous y accrocher. « Qala yubayyinu manzilata sunna wa alaqataha bil Qur'an, wa sunnatu tufassiru al Qur'an, wa hiya dalailu al Qur'an, fa sunnatu tubayyinu al Qur'an. » وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم سورة النحل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول سورة النساء. ici dans la édition que j'ai moi ici il y a une erreur, c'est pas 95, c'est 59 de, le verset de سورة النساء pour ceux qui ont la même édition que moi. Toi tu as l'édition de la mosquée là, non? Si tu le sais le changer proprement, d'accord. Il dit donc, mettant en évidence le degré de la sunna et son rapport avec le Coran, et la sunna explique le Coran et elle est l'épreuve du Coran. On va expliquer ce que ça veut dire dans un instant, inshallah. La sunna donc explique le Coran. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens de ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Et la traduction du sens de la parole d'Allah également qui dit, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Surat Nisa, verset 59. Ar-raddu ila Allah, ila kitabillah, wa ar-raddu ila ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, raddun ilayhi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafati alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Rabi' dit cette parole, et c'est une parole qui existe dans tafsir de l'imam Qurtubi, rahimahullah. Fahiyya maraddu al-nas wa marji'um hiya wa al-Qur'an ala haddin sawa. فهي في الاحتجاج في أبواب العقائد والأحكام والحلال والحرام وسائر شؤون الدين هي مرجع كالقرآن. ولهذا كان السلف إذا ورد على أحدهم سؤال في عقيدة أو غيرها يجيب بما يسبق إلى ذهنه من نص قرآني أو نص نبوي لا تفرقة في ذلك. وسيأتي مثال ذلك من موقف عمر وموقف أبي بكر وموقف ابن عمر وغيره من الصحابة. Renvoyez à Allah, parce qu'on a dit dans le verset, dans la traduction du sens est, renvoyez-le à Allah et au messager, c'est-à-dire au livre d'Allah, au Coran. Renvoyez au messager, c'est-à-dire renvoyez à lui de son vivant et à sa sunna après sa mort. D'ailleurs, le même Qurtubi, si je me souviens maintenant son tafsir, il a dit Ar-raddu ila Allah, ar-raddu ila kitabihi, wa ar-raddu ila ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, ilayhi fi hayati wa idha qubida ila sunnati alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, si il a décédé, et bien de renvoyer à sa sunna après sa mort. La sunna est donc ce vers quoi les gens sont renvoyés. Et leur source, elle, est le Coran. Au même niveau, à la haddin sawa. La sunna est donc au sujet des croyances, des jugements, du licite et l'illicite, comme le Coran. Et toutes les autres affaires de la religion d'ailleurs aussi. Donc je répète cette phrase. La sunna est donc comme le Coran au sujet des croyances, des jugements, du licite et de l'illicite et toutes les affaires de la religion. C'est pour cela que les plus prédécesseurs salaf salih, lorsque l'un d'entre eux était questionné au sujet d'une croyance ou autre chose, il répondait par ce qui lui venait en premier en tête, par un texte coranique ou un texte de la sunna, un texte prophétique. Nasul Qur'ani ou Nasul Nabawi. Quand il posait une question, ce qui lui venait le premier en tête, il répondait après. Ce qui prouve quoi ? Et il répondait avec, pardon. Ce qui prouve quoi ? Vous êtes là, vous êtes avec moi. Hein? Physiquement et mentalement aussi, Inch'Allah. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement que c'est le même niveau pour eux. Ils ne font pas cette différence. Hein? C'est-à-dire quoi, quand on lui pose une question, il répond par un hadith s'il lui vient en tête en premier ou par un verset si ça lui vient en premier en tête. Et ça, ça prouve bien, et c'est pour ça que Cheikh Rabi utilise cela ici, que quoi que, il n'y a pas de différence entre le Coran et la Sunna. Hein? Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous vous souvenez pour les frères qui étaient là, il y a plus d'un an déjà, peut-être même un peu plus. Cheikh Falah Ismail, quand il est venu ici, il a fait Usul Sunna. Vous vous souvenez de ça? Pardon, non. Al-Wasitiyah. Al-Wasitiyya, c'était plus d'un an et demi donc. Et il avait parlé de l'Wasitiyya, il avait dit qu'on avait commencé au début, Ibn Taymiyyah avait rapporté des versets du Coran. Et puis il avait dit « Wa min as-sunnah ». Il avait rapporté hein, sur l'asma wa sifat, l'aqd al-sunnah, etc., des preuves de la sunnah. Et il a dit, cher Falah Ismail, ça montre bien que la sunnah, c'est une source de législation également à part entière. Contrairement à ce que certains gens de l'innovation y disent. C'est-à-dire qu'il y a, il y a certains points de la croyance qui sont que dans la sunnah. Eh bien, pour nous, c'est une preuve. Hein? Vous vous souvenez de ça? Hein? Ça, c'est important, ya ikhwa. Si je me souviens bien, vous me confirmez ou pas, vous infirmez l'information, c'est que c'est au sujet de Nuzul qu'il avait dit ça. C'était ça, hein? Nuzul. Nuzul. Hein? Nuzulullah subhanahu wa ta'ala. Il avait dit ça, c'est exactement ça. Il avait dit c'est taqririya. Hein? C'est le mot que j'avais en tête d'ailleurs. Barakallahu fik ahsant. À la kulli hal, on continue. D'ailleurs, le frère ici, notre frère Badr Hafidahullah, il a dit que Cheikh Falah Ismail, sur son site, hein, tu as dit, hein, il y a les cassettes de Usul Sunnah de Cheikh Falah Ismail avec une série de questions-réponses après les cours. Donc, pour les frères qui veulent écouter, il y a Cheikh Nejmi aussi qui a été imprimé en livre, en arabe, hein, toujours. Le livre de Cheikh Rabi, il a été imprimé en français. Il y a aussi Cheikh Suhaimi que vous pouvez trouver en vidéo même sur Internet, Usul Sunnah de l'imam Ahmed. Si je me souviens bien, je crois que c'est en 4 vidéos, je ne suis pas sûr à ce niveau-là. D'accord. D'autres shuruhat qui sont disponibles. À la kulli hal, on continue, inshallah. Sans faire des distinctions à ce sujet. On verra, inshallah, un exemple de cela dans la prise de position de Omar et de Abu Bakr et d'Ibn Omar et d'autres parmi les compagnons. Radiallahu anhum jami'an. Et l'imam Ahmed, il continue en disant « Wahiyya dala'ilu al-Qur'an ». Hein, tu peux être patient, ça a bientôt fini, inshallah. Fa tubayyinu mujmalah wa tufassilu al-mujmal, tuwaddihu al-mubham wa tuqayyidu al-mutlaq wa tukhassisu al-aam wa tubayyinu lana as-salah awqataha, awqatiha, a'dadaha, tafasilaha, mada naqra'u fiha, mada naqulu fi ar-ruku'. Et vous savez très bien parce qu'on a fait énormément de cours, on a plus d'une trentaine sur sifat salah, on n'a pas fini, on va retourner après ce livre là inshallah, hein. Vous voyez bien que hein, le tafsil qui est fait dans la sunna sur la prière. ماذا نقول في السجود كل هذا من السنة فالله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويكثر من ذلك والسنة بينت ذلك وفصلته فهي دلائل وبيان وبينات وتوضيحات لمجملات القرآن وتخصيصات لعموماته وتقييدات لمطلقاته فهي تفسر القرآن كما قال هذا الإمام الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله وهي دلائل القرآن أيضا كما قال رحمه الله. Et elle est les arguments du Coran, c'est-à-dire qu'elle, la sunna, clarifie le général du Coran, et détaille le général, et clarifie le global, et restreint l'absolu, et spécifie le général, et ça c'est toutes des règles dans l'usul, hein, et nous clarifie la prière, ainsi que ses temps, et ses nombres, et ses détails. C'est d'ailleurs un des arguments que les chiites utilisent pour réfuter une secte qu'on appelle Al-Qur'aniyun, référence à ceux qui se réfèrent uniquement au Coran. Et s'ils se réfèrent au Coran, eh bien ils se réfèrent à la Sunna. Donc leur prétention, elle est déjà mensongère. D'accord ? Eh bien, il y a un chir un jour qui en a rencontré un d'entre eux, il lui a dit, moi je prends que du Coran. Il lui a dit, d'accord, Maghrib, combien il y a de rak'at ? Il a dit 3. Il a dit, oui, mais hein, il savait très bien où il voulait en venir. Non, il a dit, réponds, 3, d'accord. Est-ce que c'est dans le Coran ? Alors que lui-même, il prie 3. Donc c'est pour ça que j'ai dit que, hein ? Ils sont mensongers dans leurs prétentions et de toute façon, s'ils prennent vraiment dans le Coran, il y a l'ordre dans le Coran de prendre quoi? La sunna. Que lit-on dans les prières, dans la prière ou dans les prières? Que disons-nous lors des inclinations, recours? Et que disons-nous dans les prosternations? Tout ceci fait partie de la sunna. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat ». Maintenant voilà, Allah nous dit dans le Coran « Mais comment est-ce qu'on s'acquitte de cet accomplissement de la prière? Eh bien, les détails sont où? Dans la sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit de nombreuses fois dans le Coran. Et la sunna a clarifié cela et l'a détaillé. Elle est donc des arguments et des preuves, ou pardon, des clarifications, des généralités du Coran. et des spécifications de ses généralités et des restrictions de ses absolus. Elle explique donc le Coran comme l'a dit cet imam, rahimahullah, et elle est l'épreuve du Coran comme l'a également dit cet imam, qu'Allah lui fasse miséricorde. Prochain point, walaysa fi sunnati qiyas. Alors, avant de rentrer dans ce point-là, pour les frères qui savent pas c'est quoi un qiyas, je leur recommande un livre que j'ai amené ici avec moi pour vous montrer, et c'est parmi les nombreux livres qui traitent le sujet, c'est Usul min 'ilm al-usul de Cheikh Al-Uthaymeen. Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, il a fait un livre qui s'appelle Usul al-usul min 'ilm al-usul, ou fi 'ilm al-usul. C'est-à-dire quoi? Les fondements dans la science des fondements. Donc c'est un livre qui s'attache à l'étude de la science des fondements du fiqh, les fondements de la jurisprudence. Et Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, il a expliqué lui-même ce livre. Donc il l'a écrit et il a expliqué lui-même ce livre. Et si je me souviens, c'est page 340, il y a un chapitre entier sur le qiyas. Pourquoi? Vous allez voir, parce que Cheikh Rabi, il va parler de ça et ça va vous aider un peu pour les frères qui n'ont pas de notion au niveau du qiyas, etc. Vous allez dire, oui, mais on parle du qiyas ici et qu'on blâme le qiyas, mais il y a des certains ulama qui parlent du qiyas dans le fiqh, etc. Hein? Et Cheikh Rabi, il va expliquer un petit peu de manière générale. Hein? Mais si vous voulez rentrer plus en détail sur le qiyas, c'est 540, page 540 aux éditions Idar ibn al-Jawzi. Donc pour les frères qui veulent jeter un coup d'œil après, Inch'Allah, le livre il est là, Inch'Allah. فيك بارك الله وليس في السنة قياس يعني ليس في دين الله قياس إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. Ça c'est une phrase que les ulama ils disent souvent et retenez-la. إذا جاء نص فلا قياس لا يعارض بعقل ولا بقياس ولا برأي ولا بشيء ما يسعنا إلا التسليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء. فبعض الناس يغلو في القياس إلى درجة أنه يرد به النصوص ويقول هذا النص مخالف للأصول هذا النص مخالف للقياس فغلوا في القياس. Donc Cheikh Rabi'a, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Hafidhullah, il explique cette parole de l'imam Ahmed rahimahullah qui dit: et il n'y a pas d'analogie dans la sunna. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'analogie dans la religion d'Allah. Pourquoi je vous dis qu'il faut retourner un peu au livre de Cheikh Al-Uthaymeen? Parce que vous allez voir que Cheikh Al-Uthaymeen, il dit que le qiyas, il fait partie des quatre preuves, ce qu'on appelle adil al-arba'a dans la religion, qui sont le Coran, le sunna, l'ijma' ou le qiyas. Et souvent, les ulama disent le qiyas al-sahih. Hein? C'est-à-dire le qiyas qui conforme aux règles. D'accord? Le qiyas authentique. Et Cheikh Rabi va dire la même chose dans un instant, Inch'Allah. Quand il y a un texte, il n'y a pas de place pour la raison. Lorsqu'il y a un texte, il n'y a pas d'analogie. Et ce texte n'est pas à être contredit par la raison, ni une analogie, ni une opinion, ni toute autre chose. Nous ne pouvons que nous soumettre. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. » Surat An-Nisa, verset 65. Cher Elie, certains exagèrent dans l'analogie au point de rejeter les textes par analogie. Et ils disent « Ce texte contredit les fondements, ce texte contredit l'analogie. » Ils ont donc exagéré au sujet de l'analogie. L'imam Ahmed rahimahullah يشير إلى الرد إلى الرد على هؤلاء وإلا فقد يوجد قياس أولى. Vous voyez ce que j'ai dit? ولكنه كما يقال كالميتة يلجأ إليه في حال الضرورة. Et ça c'est une expression qui est très connue chez les mashayikh quand ils parlent du qiyas. بل إن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر في كتيب له سماه معارج الوصول إلى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول بالاستقراء ما من إجماع إلا وجدنا له نصا وكذلك ما قاست طائفة قياسا إلا ووجد نص في معنى ذلك القياس لكن يتفاوت الناس في استيعاب النصوص أو مقاربة استيعابها وقليل هم الذين استوعبوا النصوص مثل الإمام أحمد رحمه الله أو قارب استيعابها. On va déjà traduire cette partie puis on continue ensemble, Inch'Allah. L'imam Ahmed fait donc référence à la réfutation contre cela, quand il a dit « il n'y a pas de qiyas dans la sunna ». Sinon, il y a ce qu'on appelle qiyas ul aula. Mais comme on dit, on ne se dirige vers cela qu'en cas de nécessité, darura. Hein? Mais de plus, cheikh al-Islam, hein, comme vous, si vous voulez, les ulama donnent souvent l'expression de la viande d'une bête morte. Est-ce qu'il est autorisé, je vous pose la question, est-ce qu'il est autorisé de manger une bête morte? Sauf dans le darura. Hein? C'est-à-dire que, nous revenons au livre des ulama là-dessus, de fiqh, si maintenant tu n'as que ça à manger, que hein, ta vie est en jeu, etc., comme les ulama ils ont bien décrit, à ce moment-là, tu as le droit de manger, mais juste quoi? Survivre. Ala qadri al-haja. Wa ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. C'est notre règle qui va avec d'ailleurs. Parce que les ulama ils ont deux règles. Ils disent ad-daruratu tubihu al-mahdhurat wa ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. La nécessité fait que des choses interdites peuvent être autorisées, mais la nécessité est tuqaddaru biqadriha. Comment on va dire ça? Elle est proportionnée, hein, c'est ça, hein? C'est-à-dire que... Tu ne trouves pas le meilleur mot pour ça, non? Proportionné? Tuqaddaru biqadriha, proportionné, d'accord, hein? Donc, à ce moment-là, tu peux prendre. Et c'est pour ça que l'ulama donne cet exemple. Qiyas, tu y vas que quand tu en as besoin, parce que tu n'as aucun autre choix. Tu en as besoin, c'est une nécessité. Et ça, c'est évidemment les ulama qui savent ça. Ce n'est pas nous, hein? Mais de plus, cher l'islam nous dit, mais ça c'est très intéressant. Il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahimahullah, dans un petit livre qu'il a appelé Ma'arij al-Wusul, il a bayani anna usul al-din wa furu'ahu, qad bayanha al-Rasul. Il dit, rahimahullah, par l'étude, l'istiqra, nous voyons qu'il n'y a pas de consensus, d'unanimité, l'ijma', sans que nous trouvions un texte sur le sujet de ce consensus. Et aussi un groupe de gens n'a pas fait d'analogie sans que nous trouvons un texte qui va dans le sens de cette analogie. Mais les gens sont de différents niveaux quant à connaître les textes ou à se rapprocher de connaître les textes. Ouais, on va comprendre dans un sens ce que ça veut dire, Inch'Allah. Peu sont ceux qui ont pu connaître et comprendre les textes comme l'a fait l'imam Ahmed. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'imam Ahmed d'ailleurs. Rahimahullah. Ou s'est rapproché de leur connaissance. C'est pour cela que tu vois que beaucoup de savants ont fait des analogies correctes. Ça prouve quoi? Qu'il y a donc des analogies qui sont correctes. Hein? Mais, on va voir dans un sens ce que ça veut dire, Inch'Allah. Allah les a guidés vers l'analogie correcte. Mais s'ils avaient élargi leur connaissance et leur étude de la sunna, ils auraient trouvé un texte du législateur sur le sujet. Ce qui prouve qu'ils ont fait le qiyas. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas le texte. Mais si, hein, ils avaient pu s'élargir et tomber sur ce texte, dans leur connaissance, eh bien, ils n'auraient pas eu besoin de faire le qiyas. Parce que les ulama disent, la qiyas ma'an nas. Il n'y a pas de qiyas quand il y a un texte. فلهذا تجدوا عند كثير من العلماء قياسات صحيحة هداهم الله إلى القياس الصحيح لكن لو توسع في دراسة السنة لوجد أنه كان نصا من الشارع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الأصول والفروع بحيث لم يترك شيئا ما فرطنا في الكتاب من شيء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc ici, qu'est-ce que Cheikh Rabi' continue à dire, et il rapporte la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clarifié les fondements et les branches de manière à ce qu'il n'a rien laissé. Hein? Et comme vous voyez, les shurut al-qiyas, les piliers du qiyas, pardon, ils sont quatre. Qui les connaît? C'est quoi? C'est al-asl, al-fara', al-hukm, al-illa al-jami'a. Al-asl, al-fara', al-hukm, al-illa al-jami'a. Hein? Et vous retournez au livre de Cheikh Al-Uthaymeen qui explique très bien cela dans des exemples, etc. De manière à aller salat à ce qu'il n'a rien laissé. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre » Sourate Al-An'am, verset 38. Et la traduction du sens de la parole d'Allah dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous » Sourate Al-Ma'ida, verset 3. Notre religion est donc complète. Fadinuna kamil. Et ça, ce sera le dernier paragraphe qu'on va faire aujourd'hui, inshallah. لا نقص فيه فبعض الناس يجتهد ويقيس ويكون قياسه صحيحا ملحقا بنص جامع بين علة يعني معتبرة وبعضهم جامع بين بين علة يعني معتبرة لكن في المسألة نص ما بلغه ولو بلغه النص لاحتج به وترك القياس يأتي بعده ممن درس السنة من الجوامع والمسانيد والمعاجم وإلى آخره فيجد ابن تيمية مثلا أن هذا الإجماع كان فيه نص أجمع إجماعا صحيحا موافقا للنصوص الشرعية ولو وجدوا هذا النص لاحتجوا به لكن فما وجدوا فجاء من يتبع كابن تيمية وغيره في الاستقراء فوجد أن هناك إجماعات قامت وفيها نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك قياسات قاسها علماء وهي قياسات صحيحة ولكن هناك نصوص من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم تصل إلى علمهم. Donc, certains font l'effort, notre religion est donc complète, sans aucune diminution. Certains font l'effort d'interprétation et font l'analogie, et leur analogie est correcte, suivie par un texte. Hein? Et je vais demander aux gens qui sont sur Internet de rester après le cours, parce que je voudrais parler d'un sujet assez important, inshallah. Mais il y a à ce sujet un texte qui n'est pas connu d'eux, et s'ils avaient connu ce texte, ils l'auraient utilisé comme preuve et auraient délaissé l'analogie. Après eux arrivent ceux qui ont étudié la sunna et à partir des majami' et des masanid et des ma'ajim, sont tous des recueils de la sunna, des hadiths, avec des différences entre eux bien sûr, etc. Et ils trouvent, comme par exemple Ibn Taymiyyah, qu'il y a au sujet de ce consensus un texte. Donc vous avez les ulama, ils vous ont un ijma', d'accord ? Et puis vous avez des ulama qui... Hein, qui ont une vision élargie de la sunna, qui ont une connaissance élargie de la sunna, et qui tombent sur un texte qui va dans le sens de ce ijma. D'accord ? Ils ont donc été en consensus sur un consensus authentique qui est en conformité avec les textes religieux. S'ils avaient trouvé ce texte, ils l'auraient utilisé comme preuve, mais ils ne l'ont pas trouvé. Après eux viennent donc ceux qui étudient et énumèrent les textes, comme Ibn Taymiyyah et d'autres, par exemple, rahimahumullah, et... et trouve qu'il y a des consensus qui ont pris place et qu'il y a des textes authentiques rapportés du prophète alayhi salatu wassalam sur les sujets de ces consensus. Et il y a des analogies faites par les savants qui sont des analogies correctes, mais il y a des textes rapportés du noble prophète alayhi salatu wassalam qui existent mais ne sont pas arrivés à leur connaissance. Suivez un peu. C'est que les ulama font ijma'. Et puis un jour un shir il trouve un texte qui tombe dans ce ijma' là. Donc l'ijma' il était quoi ? Conforme au texte. D'accord ? Et puis vous avez des qiyas qui sont authentiques, c'est-à-dire qui sont faits avec les règles correctement. Et un jour, un shir tombe sur un texte qui va dans le sens de ce qiyas. Alors pourquoi les premiers ont pas fait, enfin, pourquoi ils ont fait un qiyas plutôt ? Eh bien parce qu'ils n'avaient tout simplement pas la connaissance du texte que celui qui est venu après eux, par exemple, hein, a trouvé. D'accord ? Ou a connu. على كل حال الإمام أحمد إسأل درنير لين إن شاء الله كان شديدا في رد القياس وكان ينكر كثيرا من الأمور التي يدعى فيها الإجماع ينكر على من يقول المسألة أجمع عليها القوم يقول وما يدريك أن هناك اختلافا فليقول لا أعلم خلافا في القضية الفلانية ولا يقول أجمعت الأمة على هذه القضية الأحوط أن يقول لا أعلم خلافا لأنه قد يكون هناك خلاف لم يبلغه ولم يطلع عليه. Quoi qu'il en soit, cher Rabi a dit, l'imam Ahmed Rahimallah a été dur dans la réfutation de l'analogie. Et il reprochait, et ce n'est pas une critique de l'imam Ahmed, attention au contraire, c'est un éloge. Il reprochait beaucoup de prétendues choses au sujet duquel un consensus, non, beaucoup de choses au sujet duquel un consensus est prétendu. Et blâmait celui qui disait, les gens sont unanimes à ce sujet. Et il disait, qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a pas de divergence à ce sujet ? Mais qu'ils disent plutôt, au lieu de dire « il y a unanimité sur ce sujet », qu'ils disent quoi plutôt ? Eh bien, « je ne connais aucune divergence sur tel sujet ». Vous voyez la différence ? Plutôt dire « oui, il y a unanimité là-dessus, sur ce sujet », tu dis à la place de cela « je ne connais aucune divergence à ce sujet ». Et qu'ils ne disent pas « la communauté est unanime à ce sujet ». Le plus sûr, c'est de dire « je ne connais aucune divergence, car il se peut qu'il y ait une divergence qui ne lui soit pas parvenue ou qu'il n'ait pas eu l'occasion à ni de connaître. D'accord? Et Cheikh Al-Uthaymin, il parle de ça d'ailleurs dans son livre que j'ai cité tout à l'heure, Al-Usul min 'ilm al-Usul. Il explique quand c'est un alim, muttali, yani quelqu'un qui a une grande vision de la sunna et qui a beaucoup d'études, yani, hein, très large science, et bien quand il rapporte l'ijma, on prend de lui. Alors, yani, le cours est fini pour aujourd'hui, mais yani, je ne peux pas m'empêcher de parler de ce qui s'est passé cette semaine. Mardi, on a reçu à 11h du matin, enfin moi j'étais en classe, j'étais en train d'enseigner comment annoncer la nouvelle, que notre noble frère Abu Talha, rahimahullah, et son épouse sont décédés. Je m'adresse plus aux gens qui ne sont pas devant moi ici, ou qui sont nouveaux ici, et qui ne connaissent pas Abu Talha, et qui ne connaissent pas son épouse, rahimahullah, ou rahimahumullah. Abu Talha, c'est quelqu'un qui a fait da'wah depuis très longtemps ici en Angleterre. C'est quelqu'un, rahimahullah, il est sorti de l'université de Médine en 88 ou en 89. Hein? C'est quelqu'un qui était parmi les pionniers de la da'wah salafie en Angleterre. C'est quelqu'un qui a traduit de nombreux livres en anglais. Et les frères qui sont ici, qui connaissent la da'wah anglophone, ils connaissent sa fameuse précision. Hein, dans la traduction en langue anglaise. Et rahimahullah, il est parti al-Hajj. Il est parti al-Hajj avec ses deux grands-fils. Et il y a eu un accident dans le bus. Et il y a eu un incendie. Et le bus a explosé. Et rahimahullah, il est donc décédé, lui et sa femme. Et c'était les deux seuls d'ailleurs qui sont décédés de ce bus. Pour les frères qui ne savent pas, je ne voudrais pas rentrer dans des détails personnels. Hein. Je vais essayer de rapporter juste pour que les gens sachent hein, qui est cette personne et qu'on connaisse son fadl et qu'on ne l'oublie pas dans nos doigts, inshallah. Cette personne, il est donc parti à l'Hajj. Et d'ailleurs, subhanallah, hein, son fils qui est parti avec lui a un blog sur internet où il fait da'wah aussi. Hein. Et son fils a mis en première page le hadith sur celui qui est mort en état d'ihram. Qui meurt en état d'ihram. Regardez le fils. Donc le fils a vu son père mourir. Hein. Ils ont essayé de casser la vitre, etc. à la koulihal. Ils n'ont pas su les sortir. Et Abu Talha, rahimahullah, il est en train de prier, ikhwa. Il est en train de prier, il est en état d'ihram. Et quand ils ont pris le corps, ils ont trouvé sa main droite sur la main gauche, sur sa poitrine. Et pour les frères qui connaissent Abu Talha, hein, Allah nous zaka'a Allah ahadan, yani c'est. C'est lui, c'est son attachement à la sunna. Hein? Ça fait des années qu'il enseigne Riyad Salihin. Aqid al-Tahawiyya, il l'a fini complètement. Cheikh Hassan al-Barbahari, il avait presque fini, Cheikh al-Fawzan. Il avait fait aussi, a commencé un grand travail qu'il avait fait de traduire Tafsir al-Tabari. Il avait fait Al-Fusul min Sirat al-Rasul d'Ibn Kathir. Il l'a fini, il a ajouté tellement de détails dans le riwayat, etc., qu'il arrivait à deux volumes. Il y a une semaine, un frère lui disait, « Ya akhi, tu ne vas jamais terminer, tu continues, il faut que ça sorte maintenant. Hein? » Et regardez, cette semaine, il est décédé, rahimahullah. Et donc, c'est quelqu'un qui était très très modeste. Et les frères qui sont d'ici, ils le connaissent. Et ils savent ce que je dis, c'est vrai. C'est un frère, il n'avait pas de position, il n'avait pas de salaire. C'est quelqu'un qui faisait da'wah, qui s'occupait de la sunnah, et qui éduquait ses enfants, hein, sur la sunna. Et on le voit parce que ses deux fils, ils ont continué le hajj. Et on m'a rapporté, avec les frères qui sont partis après dans le deuxième groupe, qu'ils ont fait attention à tout ce que soit fait selon la sunna, dans la janaza, etc. D'accord? On a prié sur lui, al-Majid al-Haram Mekki, après Salat al-Fajr. Hein? Et il disait toujours, hein, c'est Abu Hakim qui nous rapporte ça, il disait toujours, je ne veux pas mourir ici. Regardez, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla l'a fait mourir dans Bilad al-Tawhid. Hein? En état d'Ihram, en état de Talbiya, brûlé, et vous connaissez le hadith sur la shahada de celui qui meurt brûlé, et on ne dit pas qu'il est shahid, on espère cela pour lui. Hein? On espère que Allah Azza wa Jalla a fait que ce soit une husn khatima pour lui, et qu'Allah accepte cela de lui. Hein? Et pour vous dire aussi que la modestie et l'attachement à la sunna, c'est ça qui élève les gens, rien d'autre. C'est quelqu'un qui est connu, il cherchait aucune position, il était très discret dans la mosquée. Vous le connaissez. Hein? Il venait, il faisait son cours. Hein? Et les ulama ont été très tristes d'ailleurs de sa mort. Les ulama le connaissent, ses ikhwas. Ils le connaissent très très bien. Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid, Cheikh Mohamed Al-Anjari, Cheikh Mohamed Ben Hadi Al-Madkhali, Cheikh Falah Ismail. Ils ont été très tristes d'apprendre sa mort. Hein? Et vous voyez ici comment tout le monde est touché par ça, parce que c'est un des précurseurs de la da'wa salafia qui est parti. Et Abu Hakim, il a raconté une histoire, il a dit qu'il a été à Minan. Hein? J'ai lu l'email hier, et il disait qu'il a rencontré un frère anglophone à Minan, à Mina, et il lui disait, il était en train de pleurer en fait le frère. Et il parlait d'Abu Talha en fait. Il disait, subhanallah, Annie, toutes les sunan que j'ai fait aujourd'hui, quelque part je les ai appris avec Abu Talha, par Abu Talha, par ses traductions. Pour vous dire un peu qui on a perdu. Hein? Et comme quoi la modestie, comme je disais, elle élève les gens. Yani, Abu Talha, c'est quelqu'un qui ne cherchait pas le fait d'être célèbre, d'être connu. Hein? Vous le voyez toujours même dans les daurats, les conférences, il était toujours à l'arrière, discrètement. Hein? Il se met à l'arrière. Hein? Et quand Cheikh Ahmed Soubaï, il était ici, il l'a vu de loin. Hein? Après, il était allé faire le salam, etc. Ça, c'était typiquement Abu Talha. Il venait ici, il faisait sa prière, il faisait ses deux rak'at sunna après. Hein? Et puis, il commençait son dars. Hein? Et il rapportait que des paroles de salaf. Vendredi avant de mourir, il est parti à Manchester, il avait commencé un livre, c'est son deuxième cours, Shurut Salah, de Cheikh Mohamed Amal Jami, Cheikh Al-Abbad et Cheikh Ibn Baz, rahimahumullah. Hein? Lundi, il avait fait Sharh Sunna de Al-Barbahari, de Cheikh Al-Fouzan. Et le lendemain, il était ici à Dohr, je l'ai vu, je ne savais pas qu'il partait le Hajj, donc je n'ai pas pu lui dire au revoir. Il est en train de prier sa Sunna après Dohr. Et puis il est parti et on ne l'a plus jamais revu. Pour vous dire qu'il. Même la presse anglaise, ils ont parlé de lui. Ils l'ont décrit comme un traducteur, hein, parce qu'ils ont vu, ils ont fait une enquête etc., sur lui. Ils ont vu que c'était quelqu'un de très connu dans le domaine de la traduction, mais en même temps qu'il n'était pas connu dans le sens célèbre, hein, comme eux, ils pourraient l'entendre. Et ça les a étonnés. Et c'est quelqu'un, comme j'ai dit, qui a été, sa genèse a été escortée par escorte policière en Arabie Saoudite, comme un dignitaire. Et ça, c'est quelque chose que les gens qui connaissent Abu Talha, ce n'est pas quelqu'un qui cherchait ça. C'est pas quelqu'un qui cherchait ça du tout. Hein? Voilà, celui qui est modeste, Allah il l'élève. Celui qui est modeste, Allah il l'élève. Et ses enfants, Inch'Allah, ils ont donné un très bel exemple de la sunna aussi. Malgré ce qu'ils ont vu, malgré ce qu'ils ont vécu, ils ont continué leur hajj. Hein? Ils ont même reçu par un officiel du ministère de l'hajj, etc. là-bas. Hein? Et il y a certains grands ulama parmi les kibar qui ont prié la janaza sur Abu Talha. Et son épouse, rahimahumullah. Et donc, ici, vraiment, pourquoi j'ai dit ça, c'est pour que vous l'aimiez plus en Allah Azza wa Jal. Et pour que, comme l'a dit Cheikh Falah Ismail, une fois qu'il est venu ici, et c'est parmi les paroles profondes de Cheikh Falah Ismail, hafidhahullah, il a dit, si tu aimes quelqu'un, eh bien tu fais du'a pour lui. Si tu aimes vraiment quelqu'un, pour Allah Azza wa Jal, que ce n'est pas une prétention uniquement, eh bien tu fais du'a pour lui. Donc, il y a ikhwa barakallahu fikum, aujourd'hui on était à Arafat, le dernier tiers de la nuit, tout le monde, spécialement les awqat l'istijaba, wa amak l'istijaba, hein, que on n'oublie pas ce frère et son épouse dans nos doigts. Et on demande Allah Azza wa Jal qui les ressuscite comme ils étaient dans l'état d'ihram, en faisant la talbiya, yom al-qiyama, et qu'il accepte d'eux le martyr parce qu'ils sont morts brûlés, et que Allah Azza wa Jal leur donne le firdaus al-a'la, et que il préserve. Il a laissé 8 enfants, il y a Ikhwa. Hein? Alors, des gens, ils vont être inquiets, etc. Regardez la sunna encore. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui cherche la dunya. De tous les pays, même de l'international, au niveau international. Hein? Même des États-Unis, etc. Et des gens, ils ont dit comment on veut. Ils sont proposés eux-mêmes, on veut aider ces enfants, on veut donner de l'argent. Et il y a déjà, je ne sais pas combien de milliers de pentes qui ont été réunis pour ces enfants. Regardez la sunna, il y a Ikhwa. Pratique la sunna et ne peur de rien, bi'inillah. Et ça, c'était, comme a dit un de ses meilleurs amis et un de ses élèves particuliers aujourd'hui, il a dit, ce frère-là, il nous a enseigné durant sa vie, il nous a enseigné dans sa mort aussi. Il nous a donné un dars aussi. Fa rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilik. Wa jazakum allahu khairan.